Chapitre 6. Papes et cours de Rome. Découvertes modernes, etc. Avant de passer au service que l'Église a rendu à l'agriculture, rappelons ce que les papes ont fait pour les sciences et les beaux-arts. Tandis que les ordres supérieurs travaillaient dans toute l'Europe à l'éducation de la jeunesse, à la découverte des manuscrits, à l'explication de l'Antiquité, les pontifes romains, prodiguant aux savants les récompenses et jusqu'aux honneurs du sacerdoce, étaient le principe de ce mouvement général vers les Lumières. Certes, c'est une grande gloire pour l'Église qu'un pape ait donné son nom au siècle qui commence l'ère de l'Europe civilisée et qui, s'élevant du milieu des ruines de la Grèce, emprunta ses clartés du siècle d'Alexandre pour les réfléchir sur le siècle de Louis. Ceux qui représentent le christianisme comme arrêtant le progrès des Lumières contredisent manifestement les témoignages historiques. Partout la civilisation a marché sur les pas de l'Évangile. Au contraire des religions de Mahomet, de Brahma et de Confucius, qui ont borné les progrès de la société et forcé l'homme à vieillir dans son enfance. Rome chrétienne était comme un grand port qui recueillait tous les débris des naufrages des arts. Constantinople tombe sous le joug des Turcs. Aussitôt l'Église ouvre 1000 retraites honorables aux illustres fugitifs de Byzance et d'Athènes. L'imprimerie, proscrite en France, trouve une retraite en Italie. Des cardinaux épuisent leur fortune à fouiller les ruines de la Grèce et à acquérir des manuscrits. Le siècle de Léon X avait paru si beau au savant abbé Barthélemy qu'il l'avait d'abord préféré à celui de Périclès pour sujet de son grand ouvrage. C'était dans l'Italie chrétienne qu'il prétendait conduire un moderne Anacharsis. « À Rome, dit-il, mon voyageur voit Michel-Ange élevant la coupole de Saint-Pierre. Raphaël peignant les galeries du Vatican, Sadolet et Bambe, depuis cardinaux, remplissant alors auprès de Léon X la place de secrétaire, le Trissin donnant la première représentation de Sophonisbe, première tragédie composée par un moderne, Béroald, bibliothécaire du Vatican, s'occupant à publier les annales de Tacite, qu'on venait de découvrir en Westphalie et que Léon X avait acquises pour la somme de 500 ducats d'or. Le même pape, proposant des places aux savants de toutes les nations qui viendraient résider dans ses états, et des récompenses distinguées à ceux qui lui apporteraient des manuscrits inconnus. Partout s'organisaient des universités, des collèges, des imprimeries pour toutes sortes de langues et de sciences, des bibliothèques sans cesse enrichies des ouvrages qu'on y publiait et des manuscrits nouvellement apportés des pays où l'ignorance avait conservé son empire. Les académies se multipliaient tellement qu'à Ferrare, on en comptait 10 à 12, à Bologne environ 14, à Sienne 16. Elles avaient pour objet les sciences, les belles lettres, les langues, l'histoire, les arts. Dans deux de ces académies, dont l'une était simplement dévouée à Platon et l'autre à son disciple Aristote, étaient discutées les opinions de l'ancienne philosophie et pressenties celles de la philosophie moderne. À Bologne, ainsi qu'à Venise, une de ces sociétés veillait sur l'imprimerie, sur la beauté du papier, la fonte des caractères, la correction des épreuves, et sur tout ce qui pouvait contribuer à la perfection des éditions nouvelles. Dans chaque état, les capitales, et même des villes moins considérables, étaient extrêmement avides d'instruction et de gloire. Elles offraient presque toutes aux astronomes des observatoires, aux anatomistes des amphithéâtres, aux naturalistes des jardins de plantes, à tous les gens de lettres des collections de livres, de médailles et de monuments antiques, à tous les genres de connaissances des marques éclatantes de considération, de reconnaissance et de respect. Les progrès des arts favorisaient le goût des spectacles et de la magnificence. L'étude de l'histoire et des monuments des Grecs et des Romains inspirait des idées de décence, d'ensemble et de perfection qu'on n'avait point eues jusqu'alors. Julien de Médicis, frère de Léon X, ayant été proclamé citoyen romain, cette proclamation fut accompagnée de jeux publics, et, sur un vaste théâtre construit exprès dans la place du Capitole, on représenta pendant 2 jours une comédie de Plaute, dont la musique et l'appareil extraordinaire excitèrent une admiration générale. Les successeurs de Léon X ne laissèrent point s'éteindre cette noble ardeur pour les travaux du génie. Les évêques pacifiques de Rome rassemblaient dans leurs villas les précieux débris des âges. Dans les palais des Borghèses et des Farnèses, le voyageur admirait les chefs-d'œuvre de Praxitèle et de Phidias. C'étaient des papes qui achetaient au poids de l'or les statues de l'Hercule et de l'Apollon. C'étaient des papes qui, pour conserver les ruines trop insultées de l'Antiquité, les couvraient du manteau de la religion. Qui n'admirera la pieuse industrie de ce pontife qui plaça des images chrétiennes sur les beaux débris des thermes de Dioclétien? Le Panthéon n'existerait plus s'il n'eût été consacré par le culte des apôtres. Et la colonne Trajane ne serait pas debout si la statue de Saint-Pierre ne l'eût couronnée. Cet esprit conservateur se faisait remarquer dans tous les ordres de l'Église. Tandis que les dépouilles qui ornaient le Vatican surpassaient les richesses des anciens temples, de pauvres religieux protégeaient dans l'enceinte de leur monastère les ruines des maisons de Tibure et de Tusculum et promenaient l'étranger dans les jardins de Cicéron et d'Horace. Un chartreux vous montrait le laurier qui croît sur la tombe de Virgile, et un pape couronnait le Tasse au Capitole. Ainsi, depuis 1500 ans, l'Église protégeait les sciences et les arts. Son zèle ne s'était ralenti à aucune époque. Si, dans le 8e siècle, le moine Alcuin enseigne la grammaire à Charlemagne, dans le 18e, un autre moine industrieux et patient trouve un moyen de dérouler les manuscrits d'Herculanum. Si en 740, Grégoire de Tours décrit les antiquités des Gaules, en 1754, le chanoine Mozzocchi explique les tables législatives d'Héraclée. La plupart des découvertes qui ont changé le système du monde civilisé ont été faites par des membres de l'Église. L'invention de la poudre à canon et peut-être celle du télescope sont dues au moine Roger Bacon. D'autres attribuent la découverte de la poudre au moine allemand Berthold Schwarz. Les bombes ont été inventées par Galen, évêque de Münster. Le diacre Flavio de Gioia, napolitain, a trouvé la boussole. Le moine d'Espina, les lunettes. Et Pacificus, archevêque de Vérone, ou le pape Sylvestre II, l'horloge à roues. Que de savants, dont nous avons déjà nommé un grand nombre dans le cours de cet ouvrage, ont illustré les cloîtres ou ajouté de la considération aux chaires éminentes de l'Église. Que d'écrivains célèbres, que d'hommes de lettres distingués, que d'illustres voyageurs, que de mathématiciens, de naturalistes, de chimistes, d'astronomes, d'antiquaires, que d'orateurs fameux, que d'hommes d'État renommés. Parlez de Suger, de Ximénès, d'Alberoni, de Richelieu, de Mazarin, de Fleury. N'est-ce pas rappeler à la fois les plus grands ministres et les plus grandes choses de l'Europe moderne? Au moment même où nous traçons ce rapide tableau des bienfaits de l'Église, l'Italie en deuil rend un témoignage touchant d'amour et de reconnaissance à la dépouille mortelle de Pie VI. La capitale du monde chrétien attend le cercueil du pontife infortuné qui, par des travaux dignes d'Auguste et de Marc Aurèle, a desséché des marais infectes, retrouvé le chemin des consuls romains et réparé les aqueducs des premiers monarques de Rome. Pour dernier trait de cet amour des arts si naturel au chef de l'Église, le successeur de Pie VI, en même temps qu'il rend la paix aux fidèles, trouve encore dans sa noble indigence des moyens de remplacer par de nouvelles statues les chefs-d'œuvre que Rome, tutrice des beaux-arts, a cédés à l'héritière d'Athènes. Après tout, les progrès des lettres étaient inséparables des progrès de la religion, puisque c'était dans la langue d'Homère et de Virgile que les pères expliquaient les principes de la foi. Le sang des martyrs, qui fut la semence des chrétiens, fit croître aussi le laurier de l'orateur et du poète. Rome chrétienne a été pour le monde moderne ce que Rome païenne fut pour le monde antique, le lien universel. Cette capitale des nations remplit toutes les conditions de sa destinée et semble véritablement la ville éternelle. Il viendra peut-être un temps où l'on trouvera que c'était pourtant une grande idée, une magnifique institution, que celle du trône pontifical. Le Père spirituel, placé au milieu des peuples, unissait ensemble les diverses parties de la chrétienté. Quel beau rôle que celui d'un pape vraiment animé de l'esprit apostolique. Pasteur général du troupeau, il peut ou contenir les fidèles dans les devoirs, ou les défendre de l'oppression. Ces États, assez grands pour lui donner l'indépendance, trop petits pour qu'on ait rien à craindre de ses efforts, ne lui laissent que la puissance de l'opinion. Puissance admirable quand elle n'embrasse dans son empire que des œuvres de paix, de bienfaisance et de charité. Le mal passager que quelques mauvais papes ont fait a disparu avec eux. Mais nous ressentons encore tous les jours l'influence des biens immenses et inestimables que le monde entier doit à la cour de Rome. Cette cour s'est presque toujours montrée supérieure à son siècle. Elle avait des idées de législation, de droit public. Elle connaissait les beaux-arts, les sciences, la politesse, lorsque tout était plongé dans les ténèbres des institutions gothiques. Elle ne se réservait pas exclusivement la lumière, elle la répandait sur tous. Elle faisait tomber les barrières que les préjugés élèvent entre les nations. Elle cherchait à adoucir nos mœurs, à nous tirer de notre ignorance, à nous arracher à nos coutumes grossières ou féroces. Les papes, parmi nos ancêtres, furent des missionnaires des arts envoyés à des barbares, des législateurs chez des sauvages. Le règne seul de Charlemagne, dit Voltaire, eut une lueur de politesse, qui fut probablement le fruit du voyage de Rome. C'est donc une chose assez généralement reconnue que l'Europe doit au Saint-Siège sa civilisation, une partie de ses meilleures lois et presque toutes ses sciences et ses arts. Les souverains pontifes vont maintenant chercher d'autres moyens d'être utiles aux hommes. Une nouvelle carrière les attend et nous avons des présages qui la rempliront avec gloire. Rome est remontée à cette pauvreté évangélique qui faisait tout son trésor dans les anciens jours. Par une conformité remarquable, il y a des gentils à convertir, des peuples à rappeler à l'unité, des haines à éteindre, des larmes à essuyer, des plaies à fermer et qui demandent tous les baumes de la religion. Si Rome comprend bien sa position, jamais elle n'a eu devant elle de plus grandes espérances et de plus brillantes destinées. Nous disons des espérances, car nous comptons les tribulations au nombre des désirs de l'Église de Jésus-Christ. Le monde dégénéré appelle une seconde publication de l'Évangile. Le christianisme se renouvelle et sort victorieux du plus terrible des assauts que l'enfer lui est encore livré. Qui sait si ce que nous avons pris pour la chute de l'Église n'est pas sa réédification? Elle périssait dans la richesse et dans le repos. Elle ne se souvenait plus de la croix. La croix a reparu, elle sera sauvée. Chapitre 7. Agriculture. C'est au clergé séculier et régulier que nous devons encore le renouvellement de l'agriculture en Europe, comme nous lui devons la fondation des collèges et des hôpitaux. Défrichement des terres, ouverture des chemins, agrandissement des hameaux et des villes, établissement des messageries et des auberges, arts et métiers, manufactures, commerce intérieur et extérieur, lois civiles et politiques, tout enfin nous vient originairement de l'Église. Nos pères étaient des barbares, à qui le christianisme était obligé d'enseigner jusqu'à l'art de se nourrir. La plupart des concessions faites aux monastères dans les premiers siècles de l'Église étaient des terres vagues que les moines cultivaient de leurs propres mains, des forêts sauvages, des marais impraticables, de vastes landes, furent la source de ces richesses que nous avons tant reprochées au clergé. Tandis que les chanoines prémontrés labouraient les solitudes de la Pologne et une portion de la forêt de Coucy, en France, les bénédictins fertilisaient nos bruyères. Molesme, Collant et Citeaux, qui se couvrent aujourd'hui de vignes et de moissons, étaient des lieux semés de ronces et d'épines, où les premiers religieux habitaient sous des huttes de feuillage, comme les Américains au milieu de leurs défrichements. Saint Bernard et ses disciples fécondèrent les vallées stériles que leur abandonna Thibaut, comte de Champagne. Fontevraud fut une véritable colonie établie par Robert d'Abricelle, dans un pays désert, sur les confins de l'Anjou et de la Bretagne. Des familles entières cherchèrent un asile sous la direction de ces bénédictins. Il s'y forma des monastères de veuves, de filles, de laïcs, d'infirmes et de vieux soldats. Tous devinrent cultivateurs, à l'exemple des pères qui abattaient eux-mêmes les arbres, guidaient la charrue, semaient les grains et couronnaient cette partie de la France de ces belles moissons qu'elle n'avait point encore portées. La colonie fut bientôt obligée de verser au dehors une partie de ses habitants et de céder à d'autres solitudes le superflu de ses mains laborieuses. Raoul de la Futaie, compagnon de Robert, s'établit dans les forêts du Nid du Merle et Vital, autre bénédictin, dans les bois de Savigny. La forêt de l'Orge, dans le diocèse d'Angers, Chauffournois, aujourd'hui Chantenois, en Touraine, Bélay, dans la même province, Lapuy, en Poitou, L'Encloître, dans la forêt de Gironde, Guesnes, à quelques lieues de Loudun, Luçon, dans les bois du même nom, La Lande, dans les Landes de Garnache, La Madeleine, sur la Loire, Bourbon, en Limousin, Cadouin, en Périgord, enfin Haute-Bruyère, près de Paris, furent autant de colonies de Fontevraud qui, pour la plupart, d'un culte qu'elles étaient, se changèrent en opulentes campagnes. Nous fatiguerions le lecteur si nous entreprenions de nommer tous les sillons que la charrue des bénédictins a tracés dans les Gaules sauvages. Maurecourt, Longpré, Fontaine, Le Charme, Collinance, Foissy, Bellomère, Cousany, Sauvement, Les Épines, Eubes, Vanassel, Ponce, Charles, Verville et cent autres lieux dans la Bretagne, l'Anjou, le Berry, l'Auvergne, la Gascogne, le Languedoc, la Guyenne, attestent leurs immenses travaux. Saint Colomban fit fleurir le désert de Vosges. Des filles bénédictines, même à l'exemple des pères de leur ordre, se consacrèrent à la culture. Celles de Montreuil, les dames, s'occupaient, dit Armand, à coudre, à filer, à défricher les épines de la forêt à l'imitation de l'an et de tous les religieux de Clairvaux. En Espagne, les bénédictins déployèrent la même activité. Ils achetèrent des terres en friche au bord du Tage, près de Tolède, et ils fondèrent le couvent de Vengalia, après avoir planté en vigne et en oranger tout le pays d'alentour. Le mont Cassin, en Italie, n'était qu'une profonde solitude. Lorsque Saint-Benoît s'y retira, le pays changea de face en peu de temps, et l'abbaye nouvelle devint si opulente par ses travaux qu'elle fut en état de se défendre en 1057 contre les Normands qui lui firent la guerre. Saint Boniface, avec les religieux de son ordre, commença toutes les cultures dans les quatre évêchés de Bavière. Les bénédictins de Fulde défrichèrent entre la Hesse, la Franconie et la Thuringe un terrain du diamètre de 8000 pas géométriques, ce qui donnait 24000 pas, ou 16 lieues de circonférence. Ils comptèrent bientôt jusqu'à 18000 métairies, tant en Bavière qu'en Souabe. Les moines de Saint-Benoît Polyrone, près de Mantoue, employèrent au labourage plus de 3000 bœufs. Remarquons en outre que la règle presque générale, qui interdisait l'usage de la viande aux ordres monastiques, vint sans doute en premier lieu d'un principe d'économie rurale. Les sociétés religieuses étant alors fort multipliées, tant d'hommes qui ne vivaient que de poissons, d'œufs, de lait et de légumes, durent favoriser singulièrement la propagation des races de bestiaux. Ainsi, nos campagnes, aujourd'hui si florissantes, sont en partie redevables de leurs moissons et de leurs troupeaux, au travail des moines et à leur frugalité. De plus, l'exemple qui est souvent peu de chose en morale, parce que les passions en détruisent les bons effets, exerce une grande puissance sur le côté matériel de la vie. Le spectacle de plusieurs milliers de religieux cultivant la terre mina peu à peu ces préjugés barbares qui attachaient le mépris à l'art qui nourrit les hommes. Le paysan apprit dans les monastères à retourner la glèbe et à fertiliser le sillon. Le baron commença à chercher dans son champ des trésors plus certains que ceux qu'il se procurait par les armes. Les moines furent donc réellement les pères de l'agriculture, et, comme laboureurs eux-mêmes, et comme les premiers maîtres de nos laboureurs. Ils n'avaient point perdu de nos jours ce génie utile. Les plus belles cultures, les paysans les plus riches, les mieux nourris et les moins vexés, les équipages champêtres les plus parfaits, les troupeaux les plus gras, les fermes les mieux entretenues, se trouvaient dans les abbayes. Ce n'était pas là, ce nous semble, un sujet de reproche à faire au clergé.